C'est vendredi. On va mettre ce qui s'est passé tantôt de côté. On va essayer de retrouver le sourire un peu. J'ai de quoi vous demander. Puis je pense qu'on peut faire de quoi d'important puis de le fun. C'est un engagement que j'ai pris envers des gens et que je me dois de respecter. Puis je vais le faire, quitte à ce que je le fasse tout seul. Quand tu donnes ta parole, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Je vous raconte. Il y a quelque temps, une dame enceinte de triplets, 3 bébés, à Québec, a contacté notre collègue Caroline Dupont, qui elle-même a eu des triplés. Encore, vous le saviez pas, Caro, ça fait quoi, là, ça fait un petit bout? Ils ont quoi, peut-être, je sais pas. Je sais pas quel âge ils ont, là, mais quelques-uns. Ouais, ben non, mais là, ils ont pas 5 ans, là, mais ils sont jeunes, là. Elle en a eu, fait qu'elle, cette auditrice-là, qui écoute le 93, elle a dit, je vais appeler Caro, je suis enceinte de 3, pour demander des conseils, etc. Puis Caro, elle m'en a parlé. La dame ne savait pas, et je la comprends, là, il faut expliquer comme faut, elle a déjà eu un enfant. C'est pas de l'insémination artificielle, là. C'est naturel, là. Elle en a déjà eu un, puis là, son médecin, son doc, il dit, imaginez, là, à l'écho, là, regarde, pas des jumeaux, là. 3! En même temps! Hey, sérieux, c'est un choc, hein? Ils ont 2 ans et 3 mois. Les enfants Caroline vont bien, tout ça. Bon, fait que là, elle a dit à Caroline, aide-moi, qu'est-ce que je fais? Puis Caroline, elle m'en a parlé parce que le débat coûtait bien. Je sais que ça s'est bien, bien touché à l'époque, on était là-dedans. Elle se demandait, est-ce que j'avorte ou je mets à terme? Pas facile, là. Vous savez comment le débat de l'avortement est touché? Et moi, je m'étais dit, non, c'était plus que ça. En plus, elle avait plein d'affaires dans la tête et c'est normal. Elle se demandait même, peux-tu en avoir juste un, deux, puis avorter l'autre? Et la réponse, ça se fait, là. Médicalement parlant, ils peuvent dire, OK, t'en veux combien? Mais là, qui tu prends? Je me souviens, en ondes, j'en avais parlé. Quel débat pas facile. J'avais aussi dit en ondes, first, on va respecter sa décision. Il n'y aura pas de jugement. C'est son ventre, c'est son corps. Tu sais, je veux pas rentrer là-dedans, là. C'est juste que, comment tu fais pour annoncer, m'en donner à tes enfants? T'avais un petit frère, une petite sœur, mais je pouvais pas. Puis, garde, c'était... Ne la jugez pas. Moi, j'avais bien dit à l'époque, faites bien attention. Garde, je sais, moi, j'en ai même pas. Puis, tu sais, il y en a qui en ont 1, 2 en moyenne. Il y a du monde qui ont 3 enfants, là, au total, au Québec, n'a pas beaucoup qui m'écoutent à matin. Imagine, t'en as déjà un, tu vas en avoir 3 d'un coup. Mais j'avais aussi dit, écoute, si tu veux avoir les 3, c'est ta décision, je te jure qu'on va t'aider. Je connais ma gang, au FM 93, je sais que les enfants, ça touche le monde. On est pas dans le débat sur l'avortement, mais pas pantoute. Mais là, une fois qu'elle... Ben, un petit peu, j'avoue, mais une fois qu'elle décide de les avoir, parce que oui, elle aurait pu avorter, puis oui, elle y a pensé, puis c'est tout à fait normal. N'importe qui y aurait pensé, tu sais, je fais, là. Là, elle les a. Peux-tu faire de quoi, nous autres? Peux-tu lui dire, OK, t'as pris cette décision-là, tous ceux comme moi, qui sent... Moi, je sais, je veux pas la criminalisation de l'avortement, mais je trouve qu'on valorise pas assez l'enfantement, les enfants, la famille, tout ça. T'sais, on devrait, ça n'a rien à voir avec pro-vie ou pro-choix, mais on devrait dire, facile, je suis en train de dire, on devrait parler, non, on devrait agir aussi. Moi, personnellement, ce débat-là, il était fait, avortement, la décision est prise. Moi, honnêtement, là, j'en parlerai même plus, là. Non, mais on pense que à d'autres choses qu'elle ait même pas eu à réfléchir, avoir 3 enfants, du coup, là. C'est quelque chose. Mais José, c'est parce que c'est ça l'histoire. Tu t'en souviens, t'étais là ou... Non, j'étais pas là. Ah ouais. Bon, mais c'est pour ça, faut que je le raconte. Là, c'est comme ça que ça a parti. Non, mais je sais, là, tu viens de le raconter, puis c'est bien correct. Mais ce que je veux dire... C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'on a dit qu'on allait les aider si jamais ils avaient décidé d'avoir les 3 enfants. Je vais rendre ma pensée le plus facile à comprendre. Là, c'est que moi, je vais donner, même s'il n'y avait pas eu d'hésitation, j'aurais envie de l'aider quand même. Tu sais, je donne pas parce qu'elle a eu une décision à prendre. Mais si elle avait pris une autre décision, t'aurais pas donné, José. Mais c'est ça. Puis il y en a beaucoup qui apprennent cette décision-là aussi haute. Puis des fois, on porte des jugements là-dessus. On parle. Moi, je dis que ça serait le temps d'agir. Alors, à vrai savoir, ça va super bien. Puis effectivement, on n'en reparlera plus du débat, il est fait, mais j'avais pas le choix de le replacer dans le contexte. Puis c'est parce que je veux aussi faire appel à plein de gens qui, eux aussi, des fois, je sais qu'il y en a qui pensent comme moi, qui aimeraient qu'on favorise un peu plus la naissance, les enfants. Là, c'est le temps d'agir. Jeudi, on lui donne un coup de main, si ça vous tente. Avez-vous pensé à tout ce qu'elle a besoin? Avez-vous pensé à combien ça va coûter? Avez-vous pensé à quel point c'est un défi incroyable? Mais c'est un beau défi. Faut pas trop rendre ça négatif, mais elle va avoir... 3 petits bébés, en même temps, elle en a déjà un à la maison, qui est pas vieux. Alors, jeudi, moi, j'y ai promis, on va t'aider. Tu feras ce que tu voudras, mais si tu décides de les mener à terme, on va t'aider. on fait une opération, les triplés, les triplettes de Belleville, comment ça s'appelle? C'est ça, c'est les triplettes de Belleville, mais là, c'est les triplettes de notre Belleville. On pourrait appeler ça les triplettes de la Belleville ou les triplettes de notre Belleville. Hein, il y avait de la musique avec ça, mais ça me semble ça a remporté des prix. Ben oui, ça. Aux Oscars. Aux Oscars, on doit avoir ça, nous autres. On fait-tu l'opération ensemble? Ça vous tente, là? C'est sûr que ça va être dans votre main, puis les triplettes de Belleville. Regarde, en fin de semaine, vous avez congé 3 jours. Est-ce qu'il y a des parents qui m'écoutent actuellement, qui leur reste une chaise haute, siège de bébé, vêtements, et surtout, ça, je sais qu'il va en avoir, je suis sûr, parce que tout le monde ici, mes collègues m'ont dit, regarde, Butch, tu vas en avoir. Mais même là, regarde, moi, je ne cacherai pas que j'en ai pas chez nous de ça, là. Moi, je vais aller acheter des couches, là. Et avoir besoin de quoi, elle? Avoir besoin de tellement d'affaires, 3 en même temps. Imaginez-vous comment ça va. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est bon. Jeudi, là, je vous en parle tout de suite à matin. On vous donnera tous les détails mardi, mercredi prochain. Mais c'est parce qu'on a une fin de semaine de 3 jours. Je voulais vous l'annoncer. S'il y en a qui en profitent pour faire du ménage un peu, dire, ah ouais, regarde, jeudi, on rentre un cube ici à l'église à côté. Je vous donne mon projet, là, comment je vois ça, là. On se parque un cube ici à côté, dans le show du matin. Venez nous porter ça. Et tout le surplus, il y en a qui disent, ouais, mais là, t'as peu. Des sièges d'auto, on a toujours bien juste besoin de 3, puis des... On va se trouver un organisme, on l'a déjà trouvé ça, j'ai fait des démarches déjà, là on va l'avoir. Un organisme qui vient justement en aide aux jeunes mères, aux ou encore à ceux qui ont des grossesses multiples. Ça existe, ça. Ceux qui ont des enfants sont un pis ils n'ont eu 2 ou 3, bon. On va tout donner à un organisme de charité. Ça va être une belle collecte pour les bébés, pour les enfants, pour les jumeaux, pour les... en même temps. Mais c'est sûr qu'on va demander à notre auditrice pour qui on fait ça, elle qui va avoir les triplettes de Belleville, de choisir en premier. Moi, je veux qu'elle rentre dans le cube à 10 heures, puis qu'elle parte chez eux au moins avec un poids de moins ses épaules, qu'elle est équipée à grandeur, puis qu'on s'est occupé d'elle ça avec doit changer un beau geste fesse, de solidarité. Ben, tu sais, plus de stress, là, plus besoin de passer à l'aspect financier, parce que ça coûte cher. Là, c'est sûr qu'elle y pense, là, qu'elle va avoir 3 beaux enfants, ça va être le fun, etc. Mais garde, c'est du bon monde, là. Puis je sais que la famille autour va les aider aussi, puis tout le monde. Moi, j'ai parlé hier, justement, à Andréanne, puis ça qu'elle disait, elle dit, déjà, dans ma famille, là, on s'est comme mobilisés, là, puis il y en a déjà qui commencent à me ramasser des petites affaires. C'est super. Je trouve ça super, puis on va y faire une belle opération. Je suis convaincu que les auditeurs et les gens de Québec vont être généreux. Regarde, ça peut être... ça sera pas perdu, anyway. On aurait pu faire la collecte de même, comme ça, ça aurait quand même été bon. Il y a des organismes. Mais là, on a la chance de démontrer notre solidarité envers ces gens-là. Alors, jeudi. Vous avez d'autres idées? D'autres patentes? D'autres, là, moi, vous savez, mes affaires, c'est quoi? Je lance ça en onde, puis en général, on se trompe, on a une papier moyenne au bâton, on égonque pas toutes, mais celle-là, je pense que ça va être une belle réussite. Jeudi prochain, opération, les triplettes de Belleville, à Québec. Très basic, un cube, église, Saint-Sacrement, c'est passant ici le matin, on est en plein centre de la ville, on va s'arranger pour avoir du café et des beignes, j'en rajoute, là, mais on va assumer, on va vous recevoir ici, venez porter votre petit cadeau, puis on va se ramasser, ça peut être des toutous, ça peut être des jouets, ça peut être, regarde, vous le savez mieux que moi, là, ceux qui sont parents, de quoi que t'as besoin, go, on refuse rien. On a même une auditrice qui vient d'appeler, elle est prête à nous aider dans la coordination, tout ça, là. Ah, le monde va embarquer, je sais, puis moi, j'avertis tout de suite mes amis de la pharmacie, c'est Boissineau, c'est ça le nom en bas ici, là? Moi, je vais aller vider la pharmacie des couches. Ça va être ma participation à moi. Je vais traverser ici le chemin avec tout ce qu'ils ont de couches à la pharmacie en bas. Puis je vais y acheter ça. Regarde, ça se perd pas, là. Puis avant d'en avoir besoin. Oh oui. Tu sais, fait que si on peut fouler le cube, s'il y en a qui ont déjà des idées, hey, ouais, on pourrait peut-être donner ça, on pourrait faire ça. Tu sais, on va donner un beau petit coup de main à ce couple-là, des gens de chez nous qui vont avoir 3 enfants du même coup. Puis Caro sera avec nous ce matin-là pour nous en parler jeudi sûrement. Elle est passée par là, elle, tous les défis, tout ce que ça demande. De quoi on jasait hier? Avoir besoin de lait maternisé probablement aussi parce que, en général, tu donnes pas... Je pense pas qu'elle n'allait de 3 en même temps. OK? Ben, fait que bon, le reste, là, regarde, vous, dans certains cas, vous le savez bien mieux que moi. Opération Les Triplettes de Belleville, jeudi prochain sur nos ondes.